vont en prendre plein la gueule, ils s'en rendent pas compte. Tirer là-dedans, il fait chaud. De Jean-Louis Chotard à Gérard Grandjean, sur une musique de Pierre Bénichou, Marie Groupière. Misère. Misère, misère. C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère. Ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère. Tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pourris, des pourris. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses. Convenons-en. Misère, misère. Peut-être qu'un jour ton président s'entend monter notre colère. Misère, misère. Devant les peuples sans frontières, alors il s'en mordra les dents. Misère, misère. Tu repartiras d'où tu viens en emportant tous tes chagrins. Tes chagrins. L'argent fera bien le bonheur des pauvres, ce qui sera la moindre des choses. Convenons-en. Convenons-en. Et voilà. Coluche, et en plus, il chantait juste quand on a du talent. Bonjour Romain Goupil. Bonjour. Vous êtes cinéaste, c'est déjà bien aussi. Alors, selon les sources, on va mettre les choses au point, hein, selon les sources, ils étaient plusieurs autour de Coluche, ils ont été plusieurs à avoir l'idée de cette candidature. D'autres sources disent c'est Romain Goupil. Moi, j'y étais pas, hélas. Vous y étiez. Qui a eu l'idée? L'idée, elle vient du fait qu'il ne peut plus s'exprimer. Donc, il y a eu l'expérience Europe 1 et Lanvin, qui préparait les émissions à l'époque d'Europe 1, va partir. L'émission est supprimée et il y a un nouveau contrat pour RMC. Et là, Coluche me contacte en disant « Est-ce que tu veux t'occuper de préparer la revue de presse, grosso modo, le matin ?» Puisque lui, on était en tournée et il sait préparer son spectacle cette tournée de spectacle tous les soirs. Et au bout d'une semaine, c'est ce que je... Là, bien sûr, sur le moment, on ne le sait pas, mais on est engagé le 21. Quatre jours après, la direction décide de nous virer. Paul Lederman, qui est l'impresario, dit « Mais surtout, ne leur dites pas, parce que là, ils vous font vous faire un souk d'enfer. Attendez le vendredi. » Donc, nous, on est virés très, très vite, mais on ne le sait pas. On continue la revue de presse. Et la revue de presse, à l'époque, c'est Les Diamants, c'est Giscard, c'est Barre, c'est La Politique. Enfin, bon, on s'amuse énormément. C'est extrêmement insolent, extrêmement virulent et extrêmement politique. Pas du tout sur La Princesse de Monaco ou sur Monaco. Absolument rien à battre. C'était que sur Giscard. Il se trouve que Michel Bassi, c'était le chef de cabinet du Giscard qui avait été replacé à RMC. Donc là, d'un coup de fil, ou même pas de coup de fil du tout d'ailleurs, parce que Bassi raconte qu'il y a eu un coup de fil, mais pas besoin de coup de fil. C'est pas possible que tous les jours, ça soit comme ça. Donc, au quatrième jour, on est viré. Il nous l'annonce que le vendredi. Et là, quand ils nous l'annoncent, ils savent très bien qu'il va y avoir le week-end, qu'on va changer de ville, qu'on pourra plus reprendre. Et tous les camions se barrent de RMFC et tout. Et on se retrouve dans la chambre avec Michel. Je dis, la seule solution pour qu'il ne nous censure plus, c'est que tu te présentes à la candidature au présidentiel. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, si, c'est tout à fait possible. Je me suis occupé à l'époque de la candidature de Krivine. C'était en 69. Ça, c'était une énorme farce électorale. C'est possible. Je me souviens, grosso modo, qu'il faut 100 signatures. Il ne faut pas que tu aies été condamné. Il faut que tu aies un casier judiciaire vierge. Mais tout Français peut, s'il a un casier judiciaire vierge, enfin qu'il n'est pas interdit, se présenter. Là, on ne peut absolument pas t'empêcher de dire ce que tu veux. Voilà comment ça va démarrer, ou comment ça aurait pu démarrer. Pas du tout. Lederman dit, vous êtes complètement cinglé. C'est quoi cette histoire? C'est impossible. se présenter, ça veut dire partager la France en deux. Il y a autant, dans mon public, lui, c'est l'impresario. Il y a autant de gens de droite que de gauche, grosso modo, moitié-moitié. Donc, à partir du moment où tu prends des positions d'un côté ou de l'autre, forcément, tu fâches une partie de la France. Et moi, mon boulot, c'est le public. C'est tout le monde confondu. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'allez pas vous présenter à l'élection présidentielle. Parfait. C'est l'impresario, Michel l'écoute, on va continuer à travailler, nous, ensemble, puisque là, il n'y avait plus du tout la revue de presse, sur un projet de scénario. Et tous les jours que Dieu fait, on va discuter de cette candidature, nous, avec Michel. Et un jour, en octobre, je pense que ça vient du fait que l'accord de RMC, c'était on vous donne des 3 par 4 et on vous donne la publicité pour les adieux musicals. Donc il fallait bien lancer, utiliser cet argent et fonctionner. Et là, faire une campagne médiatique. Et on arrive jusqu'à la candidature. Oui, mais sauf que ça veut dire qu'il y a un retournement incroyable, que Lederman arrive un jour et nous dit « c'est OK pour la candidature ». Et c'est parti. Mais on va y revenir, Romain Goupil. Souvent, l'humour et les humoristes reflètent l'ère de leur temps. Hein, c'est un reflet de l'époque. Donc, quelle est la place que tient Coluche dans l'histoire de l'humour en France? On va écouter ensemble. C'est intéressant ce qu'en disent deux humoristes d'aujourd'hui. Ciné, grand ami de Coluche, et Didier Porte. Didier Porte, vous allez entendre sur le mode Chronique Radio. Ce sont des interviews réalisées par Anaël Verzo. Ciné, vous avez connu Coluche? Ouais, j'ai connu Coluche, oui. Surtout quand j'étais à Charlie Hebdo, on lui avait proposé de faire sa promo. Donc j'avais dessiné toutes les affiches pour Coluche président. On s'était bien marré, on avait fait un numéro spécial. Donc et c'est lui qui venait, je lui soumettais les dessins, et lui me donnait des idées. Enfin, moi, on avait fait ça ensemble. On avait passé 2-3 soirées folklore. C'est un type que j'admirais beaucoup, quoi. C'était mon idole, en quelque sorte, à l'époque. Vous lui aviez écrit une lettre? Oui, quand il s'est déballonné à la présidence, quand il a vu que ça tournait mal et que les politiques s'en mêlaient et que ça ne l'amusait plus, il a laissé tomber. Moi, j'étais furax parce que j'avais vraiment compté sur lui pour foutre la merde, quoi, comme on le souhaitait tous. Et donc, je lui ai envoyé une lettre d'insulte, un peu, en le traitant de dégonflé. Si jamais vous deviez vous présenter aux élections présidentielles, qu'est-ce que vous déclareriez aux Français? Non, moi, je ne me présenterai jamais. Franchement, la politique me pue au nez. Hein. Donc, même pour rigoler, je n'accepterai pas de me présenter. Par contre, si Coluche se représentait, là, je revoterai pour lui comme en 40. Mais en tout cas, tout sauf Sarkozy. Quoi. Mais là, par contre, pour les présidentielles, s'il n'y a vraiment pas le choix, avec deux mecs qui me puent au nez, j'irai quand même, parce que j'aime pas rester chez moi, mais je dessinerai un zob sur mon bulletin pour qu'il soit nul, quoi. Moi, je préfère le jazz et la musique et l'alcool. Merci beaucoup, Bob Ciné. Merci. Après de quoi? Au revoir. Au revoir. Alors, je me trouve à France Inter avec Didier Porte. Ouais. Oh, mais ça a changé. Mais dis donc, c'est tout neuf. Hein. Depuis que je suis parti, on voit que le pognon est rentré. Très beau. Nouveau studio et... De nouveau Didier Porte, après 4 ans d'absence, je ne sais pas pourquoi. On ne m'a pas invité pendant 4 ans. Je ne sais pas. Et alors, on est ensemble pour parler de Coluche. Enfin, ouais. Ou plutôt de vous et de votre programme pour la future élection présidentielle. Oui, parce que Coluche est une forme de négligé auquel j'ai un peu de mal à m'identifier. Hein. Moi, excusez-moi, hein, mais j'ai une vraie conscience politique, donc j'ai formulé un certain nombre de propositions dans ma profession de foi, qui sont les suivantes. Vous voulez que je vous les lise? Allez-y. Alors, bon, proposition numéro 1, institution du mandat présidentiel à points. Chaque renoncement à une promesse électorale donnant lieu à un retrait jusqu'à la perte de tous les points, celle-ci déclenchant automatiquement la dissolution de l'Assemblée nationale. Mesure numéro 2, abstinence sexuelle obligatoire pendant les mandats présidentiels. Je ne vous fais pas de dessin. Mesure numéro 3, allocation universelle de 1 500 € mensuels de la naissance à la mort pour chaque citoyen, 2 000 € pour les immigrés, eu égard aux difficultés et sacrifices consentis pour arriver jusqu'à chez nous. La vocation de l'allocation universelle étant de découpler la notion de revenu de celle de travail. Voilà. Mesure numéro 4, taxation des pratiques religieuses, objectif faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, tout en décourageant l'obscurantisme et la paresse intellectuelle. Mesure numéro 5, publication d'un décret obligeant la banque Rothschild à financer intégralement la lutte contre l'illettrisme. Mesure numéro 6, financement du déficit budgétaire par la dette, celle-ci pouvant être accrue indéfiniment puisque le temps n'est pas limité. Si le temps s'arrête et donc l'obligation de paiement devient effective, c'est à cause de l'apocalypse et dans ce cas, personne ne nous reprochera de ne pas nous en être acquittés. Ne pas hésiter à inclure dans cette cavalerie le financement du service de la dette. Mesure numéro 7, gratuité du suivi psychiatrique pour les anciens présidents de la République éprouvant des difficultés à se réinsérer. Si les difficultés persistent, procédez à leur enfermement. Mesure numéro 8, pénalisation de l'appartenance au Front National pour faute de goût caractérisée, portant préjudice à l'image de la France. Mesure numéro 9, diagnostic météorologique des candidats avant le scrutin par un chaman navarro, un potentiel pluviométrique excessif étant éliminatoire. Mesure numéro 10, fusion administrative du Parti Socialiste et du MEDEF. Avec ça, ça devrait aller mieux. Merci beaucoup Didier Porte. Ça vous suffit ? C'est pas difficile. Hein ? Oh, quel retour fracassant. Salut. Salut. Bon, Romain Goupil, Coluche a-t-il influencé le résultat de la présidentielle de 1981 ? Bah bien sûr, énormément. On sait tous, n'importe qui fait un peu de politique, n'importe quel journaliste sait que les élections se jouent à 2-3 points. À partir du moment où il est crédité de 16%, même s'il dit rien, il dit un mot, ça va jouer sur 1% ou 2%. Il peut faire basculer l'élection. Et c'est bien le but de ce fonctionnement. On va se déclencher et faire ces appels dans l'idée que les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, les gens qui n'arrêtent pas de se plaindre, de pleurnicher en disant c'est toujours la droite, et c'était toujours la droite. Depuis 23 ans. Depuis 23 ans, on peut faire bouger les choses. Voter. Voter, mais pourquoi ? Mais pour la gauche. Chose qu'on ne dit jamais. Mais sauf que nous, stratégiquement, bien sûr qu'on ne va pas le dire. Mais bien sûr que l'équipe, c'est Najman, c'est moi. Alors là, on est deux qui sont le programme, cet appel, le fonctionnement. Bien sûr qu'on vient de l'extrême gauche. Bien sûr qu'en aucun cas, ça va être pour la droite et qu'on va tout faire pour faire battre Giscard. À partir de ce moment-là, il y a le soutien de Choron et de Harakiri qui dit... La phrase n'était pas continuée dans le reportage. Si jamais il est élu, nous, on devient le journal officiel de la République sur la base du programme qui est le programme, c'est plus d'argent, plus de mariage, plus de frontières, plus de travail. Une blague énorme pour simplement dire inscrivez-vous, on peut faire changer les choses. C'était ça le but. En aucun cas être président de la République, en aucun cas être candidat, à aucun moment. Il fallait plus 100 signatures, il en fallait 500. J'avais été au Conseil d'État, j'avais expliqué tout ça. Et on a eu combien, d'après vous, de signatures ? Je n'imagine pas. Une. Les flics sont des immenses nuls. S'ils ne sont pas capables de savoir qu'on n'avait qu'une signature, donc tout ce qu'ils racontent et tout ce qu'ils baratinent après, tout ce que baratine Giscard ou Bonnet ou tous ces crétins, bien sûr, on n'avait qu'une. Jamais on allait se présenter. Tout le boulot, c'était simplement d'avancer sur ces idées en disant on peut faire battre la droite. Il se trouve que quand il a vu les 16%, il va se passer quelque chose dont vous ne parlez pas et dont on ne parle pas parce que l'estime est telle qu'on n'en parle pas, il se prend au sérieux. Sur les 16%, il se prend au sérieux. Michel se prend au sérieux parce qu'il a compris que 2 points pouvaient faire bouger les choses. Et là, il va commencer à recevoir les politiques et notamment le type du Sidunati à l'époque, Poujade. Donc, il va faire la rupture en disant on n'est pas du tout sur quoi on a démarré. Du tout. Et de ça, et donc de la fin et du début de la fin, on va parler. Romain. Il n'y a pas de fin. Romain Goupil, on y revient dans 3 minutes. Il y a un copain, il m'a écrit une chanson, il m'a dit Renaud, je t'ai écrit une chanson. Voilà, tu la chantes si tu veux, mais si tu la chantes, j'aimerais autant pas trop qu'on sache que c'est moi qui l'ai écrite, parce que si tu veux, j'aimerais autant rester dans l'harmonica. J'aimerais pas trop qu'on sache que c'est moi, parce que c'est une chanson d'amour et ça me gêne un petit peu, parce que si tu veux, c'est une chanson d'amour, alors ça me gêne un petit peu. J'ai dit bon d'accord, je mets ton nom en tout petit sur le Dix, mais je dis pas qui c'est. Alors pour ceux qui savent pas encore, parce que peut-être il y en a encore qui savent pas qui c'est, je vous dis pas, mais je peux vous mettre sur la voie si vous voulez. Le mec qui écrit la chanson, paroles et musique, c'est un gros à rayures avec des lunettes qui s'est présenté aux élections, mais il a été battu. Il a été abattu surtout. La chanson, elle s'appelle Soleil immonde. Et si vous comprenez pas bien les paroles, c'est pas trop grave. Moi-même, ça fait 2 mois que je la chante et j'ai pas encore tout bien compris. Enfin, en gros, hein, il me semble que c'est quand même l'histoire d'un mec qui se fait larguer par sa gonzesse. Je clignote au bord de l'autoroute. J'ai pas fini de vomir ma bière. Le soleil, y'en a rien à foutre. Mon estomac sa prière. Trop d'amour me pèse. Toi tu me quittes sans rigoler. C'est comme si j'avais avalé une chaise en heureux. Il faut beaucoup que je boive pour digérer. T'en fais pas, c'est pas la fin du monde. D'autres filles passeront sous les ponts. Et la nature que le soleil inonde nous rechante chaque fois sa chanson. J'ai pas vu la tête du facteur. Mon téléphone ne sonne plus. Les oiseaux crient des sons moqueurs. Y'a plus personne qui m'aime plus. Le bar est plein de solitude. Mon amour n'est plus de saison. Je ne bois pas par habitude. Mais pour douter de ma passion. T'en fais passer par la fin du monde. Passeront sous les ponts et la nature que le soleil inonde nous rechante chaque fois sa chanson. L'armée rouge a défilé dans ma tête. Fait monter de l'aspirine. Ils ont quand même fait leur 8 heures comme des bêtes. Peuvent la mouiller dans une drôle de combine. Devant ma porte des odeurs de frites. Tout le monde me reconnaît dans la rue. J'ai la boule coincée dans mon flip. Il manquerait plus qu'un oiseau me chie dessus. T'en fais pas, c'est pas la fin du monde. D'autres filles passent sous les ponts. Que le soleil inonde nous rechante chaque fois sa chanson. J'ai pas aimé comme tu es parti. J'ai senti ma tête écraser le poteau. Toi tu voudrais qu'on reste bons amis. Je me vois déjà plus sur les photos. Je me fous de l'odeur des roses et de celles qui pourraient m'aimer. Les gens me parlent d'autre chose. Qui m'aidera à pleurer. T'en fais passer par la fin du monde. D'autres filles passeront sous les ponts. Et la nature et son soleil immonde nous rechante chaque fois sa chanson. T'en fais passer par la fin du monde. D'autres filles passeront sous les ponts. Et la nature et son soleil immonde nous rechante chaque fois sa chanson. Soleil immonde, composé par Coluche pour son ami Renaud en 1980, autre ami de Coluche ici présent dans ce studio, Romain Goupil. Donc, cette idée de candidature, un moment périclite, quoi, vous le dites, Coluche avec ses 16% se prend au sérieux. On n'est plus dans l'esprit de cette initiative, c'est ça ? Bien sûr que non, on n'est plus du tout dans l'esprit parce que le Derman qui avait donné l'autorisation, l'impresario, se dit, mais nom de Dieu, s'il appelle à voter pour un camp ou un autre, moi j'ai mon spectacle qui approche au gymnase, donc il faut absolument qu'il reste neutre, ni droite ni gauche, rien dire. Bien sûr que ça va exploser dans l'équipe, on va super s'engueuler, on va arrêter les petites phrases dans Libération, on va arrêter avec Charlie et on va s'engueuler. C'est-à-dire que ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'on lance un gars qui nous a mais largement dépassé, mais Michel compris, et qu'on a été incapable de trouver la chute. Parce qu'après, il voulait rassembler l'ensemble des mécontents, ou ce qu'il dit, c'est-à-dire ceux qui ne votent pas. Mais c'était absurde dans le début. Bien sûr que nous, on était pour un truc complètement déconnant, qui est le premier appel pour les drogués, les anciens communistes et tout, le soutien de toutes les stations de métro. On avait pris tous nos agendas sans demander rien à personne. Et on avait fait des comités de soutien qui allaient de Polanski à Godard, mais sans leur poser la question. Tout ça était une immense farce. Inscrivez-vous sur les listes électorales, vous pouvez changer les choses. Mais en aucun cas, on va changer les choses. Et pour ça, bien sûr, on vote à gauche. Cette phrase, il ne l'a pas dit. Lederman ne voulait pas qu'il dise. Et ça a tourné une espèce de catastrophe avec, en plus, un truc tragique à la fin. Une fausse grève de la faim. C'est lamentable par rapport à la façon dont le sketch était mené. Après, les plaintes pour dire qu'il était interdit d'antenne, interdit de... Ben non, le jeu redevenait normal et là il fallait qu'il se positionne d'un moment, donc si bien que les journalistes, les directeurs de presse, les politiques voyaient très bien qu'il n'allait pas se déterminer, que c'était un clown qui préparait son spectacle ou qui préparait les médias pour les adieux musicaux. Finalement c'est le seul sketch dont il n'a pas trouvé la chute talenteuse. Oui, Coluche. Mais on a tous le souvenir de quelque chose de magnifique et de merveilleux avec Rézère, avec Canada, avec Choron, avec Bleu Blanc Mer, avec bon Dieu, qu'est-ce qu'on s'est amusé, qu'est-ce qu'on a rigolé, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Vous vous êtes brouillé avec Coluche ? On s'est brouillé pendant 2 ans. Il a fallu 2 ans pour que se digère et qu'il m'écrive une lettre en disant effectivement, on a fait la connerie de notre vie, mais il reste plus, c'est plus du côté de la farce, de la blague, et on a gagné. Effectivement, Michel, on a gagné. À partir du moment où la gauche est passée, qui avait pu, les 23 ans, à la gauche, après, de faire la démonstration de ce qu'il pouvait faire ou pas. Mais en tout cas, ce n'était plus ce pourquoi on était descendu dans la rue en 68. On avait réussi à faire changer les choses et de manière absolument magnifique et absolument déconnante et rigolote avec Michel. Merci en tout cas Romain Goupil de ce témoignage, c'est vraiment un témoignage de première main puisque vous étiez de l'aventure. Merci encore, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, la candidature de Coluche à la présidentielle de 1981. Merci aux documentalistes de Radio France et à Thierry Dupin pour la programmation musicale. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.